Si vu qu'on refait des attentats, Charo Life, ma tasse mais c'est pute, mais du Caro Light. Tu penses que Pharaon avait des heures? Tu penses que Moïse était blanc et Jésus a les yeux bleus? Ça va, tu grossis ton pu. Chez nous y'a pas de sous-métier. La confiance n'exclut pas le contrôle. Donne ça, je vérifie. Numéro uno, ouais. Toi, peut-être secondo. À moi tout seul, je suis un trio. Ouais. Si ferme les yeux, fais ta prière. Tu penses qu'une prostituée va au paradis? Papa. Tu penses que ARG est pas paradisé? La mixtape est lourde. Ouais. Tu penses tu vas acheter l'album? Steve Jobs dans en l'air, un manioc remplacerait la pomme. Et quand je rappe comme ça, ouais, je donne de la force à mes négros. Ouais. Vrai négro ne se couche pas. Tiens. Vrai négro n'a pas de remords. Le succès attire les rageux. Tu penses que mes gars vont me haïr? La Belgique avait tout compris. Pas gourmand, ils ont juste pris Zahir. Qui m'en veut? Lequel de mes raclos sera la si je tombe? Ma femme c'est ma princesse, ma norme est grand belle. Y'a pas d'égalité, on frappe à la belle. 80 euros, on aime trop la violence. 80 euros, on aime trop la violence. 80 euros, on aime trop la violence. 80 euros, on aime trop la violence. J'éclate des fils de pute, éclate des sous au métropolis. Tu penses qu'une bougave de test a le droit de dire nique la police? Non, jamais. J'ai mon bras droit, j'suis pas Jamel. Ico dans mon équipe, y'a des Ousmane, y'a des Kamel. Rimkus, ouais. Dealer mon gars, dealer, mon gars. Quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, j'suis dans le Charlie Delta. Tchéba, c'est toi qui me donnes la ce fort. Qui me depuis que je traîne avec toi, bah. J'écris des métagores. Quoi? Qui m'en veut? Qui m'en veut? On contrôle le game depuis qu'on est petit morveux. Avec mes straps, j'ai toujours coupé la poire en deux. Baby, vends la peur, sans bat les couilles du buzz. Ouais. Nardini Mouka. Niska, à la fin de sa vie, va écrire un book. Pourquoi pas? Je suis sur Facebook. Ouais. Je n'ai pas besoin de book. Non. Coro à Paris, Bercy, Madrame son backer. Quoi? Qui m'en veut? Lequel de mes raclos sera là si je tombe? Ma femme c'est ma princesse, ma norme est grand belle. Y'a pas d'égalité, on frappe à la belle. 80 euros, on aime trop la violence. 80 euros, on aime trop la violence. 80 euros, on aime trop la violence. 80 euros, on aime trop la violence. Oui, je le baisse. Oui. Comment vont-ils faire? Allô, allô, allô.